Parcourant l'amour monstre de Powell's, me vint une vision dans l'eau de cerfs. Vas-y, Wendy. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle voix la marque des esclaves à chaque doigt. Jusqu'aux anneaux de cuisse, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de galère dans les cheveux. À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses poignets. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Maria. Beginning shows, baby. Beginning shows, baby. Initials, Iggy. C'est pas Iggy, hein? Je sais, c'est Bibi. Bibi. Bibi Geneviève. Non, Bibi, dans le sens, dans le beau sens de 66, 67, 68, 69, jusqu'à 74, de la belle Bibi. Bibi. Bibi. Bibi qui? Bibi. Brigitte Bardot. Be initials, baby, avec Iggy Pop. Hey, oui, dites-le, on l'a dit, non. J'aime tellement ça quand je débouche des cachets. T'en débouches des cachets? Ah, je débouche des cachets. Moi, j'avais quelques billets de dollars que j'ai débouchés. Hey, Rita, nous avons un problème. Youst, nous... Oui, tout le temps. Pas d'errance, pas de problème. Ah, ça, vous avez... Oui, allô, ça va? Ça va très bien. Mais, on a débouché... Ah, ça n'a pas de bon sens. On a travaillé pendant des semaines et des semaines pour frapper, pas sur les gens, non. Quoique les gens sont passablement amochés. C'est vrai, le peuple est de plus en plus amoché. Ah, man. Tu regardes ça là, dans les rues, sur les trottoirs. Moi, je préfère le peuple dans la rue. Pourquoi? C'est plus risqué. C'est risqué. C'est risqué. Risqué de quoi? Risqué. Mais pas ça sur le trottoir, là. Il n'y arrivera rien. Mais ça dans la rue, c'est risqué. Hey, ça peut être dangereux, puis ça fait des beaux films, puis le téléjournal est tellement plus juteux. Ben oui, mais les ambulanciers font de l'argent. Hey, la police aussi. Les pompiers pour en embarquer quelques-uns. Hey, toi, là! Excusez-moi. Pas une vérité, pas une bonne vérité. Hey, c'est vrai, ça, hein? Bonne vérité et pas toujours, et pas toujours le bon adie. La bonne vérité et pas toujours le bon adie. Oui, monsieur, je voudrais vous dire, à poli, bébé. Quoique, pour que certains, ça fait du bien. Pas de le dire, mais de le faire. Ah, si. Un nouveau rire d'innocent. Je l'aime, ce rire-là, moi. Ouais, il y a personne d'autre que toi qui peut. Ben, j'espère, là. Si je le sors à quelque part à un moment donné. Non, dis-le pas souvent, ce mot-là. C'est OK, on va le mettre en réclusion. Oh! Pendant combien de temps? Oh! À peu près 145 minutes. Pas 145 minutes. Ah non, c'est vrai, vous avez raison, M. Grenier. 1h45. OK. Alors, on va ouvrir le... Comment t'appelles ça? C'est le genre de prison à mots, oui. Alors, dis-le pour la dernière fois, puis on va l'enfermer. Oh là là, ben, ça me fait un peu de peine, hein? Parce que la liberté, c'est très important, surtout quand on ne l'a plus. On se rend compte que ça n'a pas de prix. Quoique, on va en trouver un prix. Ben ouais, dis-le, dernière fois, pour une dernière fois. Oh mon... Parce que je peux pas le redire. Pourquoi? Je m'en rappelle plus. Hey, en parlant de... Je m'en rappelle plus qui est notre... presque notre fleuron québécois. C'est... je me souviens. Mais de quoi? Quel Québécois se souvient de quoi? Hein? Jacqueline, hein? Quand Jacqueline, elle a reçu... Ah oui. 1974. Tout le monde en parlait dans le voisinage. La belle Jacqueline avait réussi sa sauce à spaghetti. Hey, avec la petite boulette! Avec la ciboulette et de la petite boulette. Oh, hey, elle en avait tout taponné de la boulette, elle. 250 000 boulettes pour sa sauce à spaghetti. C'était communautaire! C'était peut-être pour présager ses CQRL. Est-ce qu'elle reste encore pour faire goûter aux membres de ses CQRL? Oui, un tantinet. Bon, ben je crois que congelé pendant combien de temps? Ben 74, 7, 8, 9, 10, 36 ans. Hey. 36 ans? Est-ce qu'une sauce à spaghetti congelée pendant 36 ans? Ça brûle! Ça brûle! Ton rond brûle, mais tu vas faire brûler ton eau! Hey, mais ça bouille! Ça embrouille, hein? Ouais, ça, c'est l'émission qui embrouille! Ton eau bouille! 36 ans de congélation. On va demander à M. Walt Disney! Monsieur Disney! M. Disney, vous êtes congelé. Je suis présentement dans un état possiblement bleuté. Oh! Bleuté? Mais est-ce qu'on pourrait lui demander? Monsieur Disney, vous êtes là? Oh! OK, vous frissonnez encore? J'ai frissonné encore de ma dernière saison où je me souvenais d'avoir vécu en... perdition. En hibernation. Avec comme seul regret de n'avoir pas bu mon dernier café avant de muer. Hey, c'est bon, ça sent le succès. Je me souviens encore une saison qui s'appelait janvier. À toutes les raisons, adieu du sanguinaire, adieu de ma vie. Je veux me rappeler un jour de mes endies. C'est là que ça s'enchaîne, okay. Ça s'enchaîne, madame. Ça s'enchaîne. Déchaîne-toi. Non, je me déchaîne pas maintenant, là. C'est le début. Moi, mes sentiers. Moi, mon sentier. Est-ce que c'est des sentiers? Mon sentier. Moi, mon sentier. de ruisseau. C'est presque perdu dans la côte nord. Ben, c'est froid le nord. Dis-moi pourquoi, dis-moi toujours. Dis-moi pourquoi. C'est assez. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, ah oui, c'est vrai, monsieur Disney, on l'a oublié, ça, on vous a oublié ça à ligne, monsieur Disney. Ouais, mais oui. Madame Thibodeau qui me fait des grands signes. De, hey, toi, monsieur Disney, tu sais, ben oui, hey. On vous a déjà parlé, Rance Rénaldienne, il y a quelques mois, peut-être même quelques années. Vous vous rappelez? Il y a quelque chose qui n'est pas gelé en lui, c'est peut-être le cerveau. Quoique, pour demander de se faire congeler comme ça, il faut l'avoir pas mal frétillante, hein, l'esprit moyen. Ouais. Là, toute cette histoire-là, on m'a dit, sous la couverte, hey, ça c'est chaud, sous la couverte. Connaissez-vous ça, monsieur Walt Disney? Peut-être pas, hein? Non, il connaît pas ça, sous la couverte. Il aimerait bien ça être sous la couverte, mais il est dans le congélateur. Ah oui, emmène-moi Bambi, rentre-moi ça là-dedans, Bambi. C'est assez singe, hein, ça n'a pas de bon, c'est Bambi. Regarde-moi le petit écervelé. Hein, qu'est-ce que c'est l'hiver? Qu'est-ce que c'est un oiseau? Un oiseau? C'est tu me dis, ça vole un oiseau? Ben non, ça vole pas un oiseau. Ça rampe. Une couleuvre, ça vole. Oui, une couleuvre, ça vole. Ça enlève tout l'imaginaire aux enfants, ça. Hey, Bambi sur de la glace. Ça glisse de la glace. Eh bien, voyons, depuis quand ça glisse de la glace? Mais tu sais, deux poches de sel, puis tu risques d'être heureux. Là, ça voit des petits lapins. C'est des petits lapins, des petits lapins. Hey, mais... Non, c'est pas des lapins, c'est des chèvres. Non, c'est deux vaches. Ah ouais, traîne-moi ça. Ben non, c'est des lapins, c'est le mime. Mais c'est... On prend plusieurs canaux avec ça, là. Ces belles grosses, grandes oreilles-là, là. On va les appeler Charles. Oh mon Dieu, Charles Princier. Alors, monsieur, non, on va l'estomaquer, on le sait. Monsieur Disney? Hey, là, les gens qui y vont une fois dans leur vie, ils restent traumatisés à vie lorsqu'ils rentrent dans ce merveilleux royaume, cet épouvantable royaume de mort Disney. Et c'est les oreilles de Mickey. Tout le monde se promène avec ses oreilles de Mickey. Ils ont acheté ça à un prix de 100, hein, sans compter. Quoique, pour en acheter trois, faut pas savoir compter. Ça coûte 50 piastres. C'est juste des petites oreilles, là. Je m'imagine Raoul Petit avec, non, carton, avec, avec les... Quoique, lorsqu'ils montent sur scène, ils mettent des chapeaux extravagants, des chaussures extravagantes. Elton John est habillé en Mickey Mouse à un moment donné. Ah, pourquoi pas mon ami Carton? Ah, il aurait trop peur qu'on mette le feu dedans, là. Hey, Carton, ça flambe, ça, ce carton-là. Hey, mais c'est enflammé, là. Tu dis, vas-y, Carton, il monte sur scène. Ah ouais, let's go. Non, c'est pas Mick. Ah, ça, c'est Mick Jagger. Ah, monsieur Disney, là, on va revenir à vous parce qu'on va passer après ça aux choses de beaucoup plus sérieuses. On va parler de grandes vedettes, pas d'individus louches avec des idées totalement, que j'allais dire croches, biscornues. Oh, biscornues! On dirait le générique des Rance Rénaldienne. Oui, il dit à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que c'est le personnage baroque. Hein? C'est, je la connais par cœur. On dirait que ça fait 25 ans que tu fais ça, cette émission-là. Ça en a fait 29. Oh! Je vais commencer dans le ventre de ma momie. Ma momie ne voulait pas placer de micro, donc j'ai fait ça avec le cordon ominical. Là, je parlais, je disais 1, 2, 1, 2, 1, 2, je frappais sur le cordon. Ça faisait des bruits comme ça dans le cordon. Je coupais le cordon. Là. Oh, à un moment donné, je demandais de l'oxygène. Oh, je relâchais le cordon. Il n'y avait plus de nourriture. Je repartais le cordon. Oh, M. Disney, excusez-moi, là, j'étais pris dans mon cordon. Ouais, vous êtes, vous avez l'air fin. Hein, là? Ouais, on a un petit coup encore. Ouais. Vous aimeriez ça, boire un petit chocolat chaud, mais vous n'aurez pas. Ouais, il paraît que... Puis là, on va arrêter ça là-dessus. Il paraît que si je veux l'arrêter là-dessus, on va l'arrêter. Si je veux, OK. Si vous voulez, monsieur, fâchez-vous pas, là. Calmez-vous. En ce beau mois de décembre. Ce mois de décembre, ce mois qui me semble si beau. Si beau avec des chanteurs, des chanteuses, des groupes de musique et des racidadites. Oui, monsieur, il paraît que Walt Disney, là, vous, là, vous-même en personne, ben presque en personne, en surgelé. Comme la pizza surgelée. Ouais. Okay. Il paraît que... On va le dire, arrête de dire il paraît. Que c'est pas vrai. C'est une légende urbaine. Ben, pas du fait que vous avez existé. Du fait qu'on vous ait placé dans un congélateur. Est-ce que c'est vrai que tout ça, c'est une machination états-unienne? Que le président des États-Unis, le FBI, la police, Ben oui, mais j'ai dit de pas mettre trop de... Ben oui. Les choses qui volent, là. Oui. Surtout ceux qui volent pas, qui rampent, là. Pas des Québécois. Non, pas des Québécois, oui. Ça rampe pas, ça monte, ça marche, c'est franc, c'est honnête, le nez en l'air. Puis là, patin, ils frappent des poteaux. Puis là, ils sont heureux. Là, nous autres, on frappe des poteaux. Là. On frappe des nœuds, des poteaux. On coupe du bois, on est des bûcherons. On veut construire un Québec libre, un Québec heureux, un Québec... J'allais dire non, pas solidaire. Non, pas solidaire. Mais en fait, monsieur Walt Disney, c'est une machination, tout ça. Le FBI était derrière ça. Et puis le Pentagone, hey, le Pentagone carré. Non, il est rendu rond, c'est vrai. Ils ont coupé les coins pour pas qu'il y ait des attaques planétaires sur ce monument. Non, cette représentation symbolique des États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est vrai que tout ça est une grande... histoire sans fin qui a été inventée à l'origine après votre mort. Vous avez entendu ça, madame? Hey, c'est pas vrai! Ben, c'est vrai, il vient de le dire. Hey, c'est vrai! Ben oui, c'est vrai! Hey, tout ça, on l'a appris à Errance Renadienne. Puis mon ami, comment il s'appelle donc? Mon ami comédien qui a joué dans les Ploufs. Je le vois, les cheveux blancs, là. Ben, blanc, il a pas toujours eu les cheveux blancs, là. C'est pas Pierre Bourgault. Jean Genet, c'est un écrivain français. Émile Genet, qui a travaillé à Hollywood, à Los Angeles, avec Walt Disney, qui a côtoyé Walt Disney, nous a dit un jour, lorsque j'étais un étudiant tout à fait inquiet, c'est-à-dire à la recherche de plein d'informations qui aujourd'hui me préparent à vous en amener quelques brides, ben, il divulgua que tout ça était faux. C'est une conspiration. Ils s'en viennent. Monsieur le Président, monsieur, ils sont déjà là. Monsieur le Président, monsieur, les pas trop catholiques, ils ont des ondes. Quoi? Ils ont des ondes. En fait, ils tournent autour des ondes. Okay? Monsieur le Président, monsieur le Président, madame le Président, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, le court-circuiteur de réalisme Reynald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention! Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté! C'est vrai! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons le chemin narratif. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Reynald Gagné. On passe à la musique? Oui, peut-être. Hein? Je crois que ce sera une sage décision. Mais aujourd'hui, le vendredi 16 décembre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous autour du groupe mythique Raoul Petit. Raoul Petit est un groupe de rock français créé en 1979 à Apt dans les Apt, oui, dans le Luberon à Vaucluse. Après avoir assuré les premières parties des concerts de Jean Quigelin et de Pierre Vassiliou en 89, le groupe commence à se produire en concert solo, notamment à l'Olympia en 84 et 89, au Casino de Paris en 86, à l'Élysée-Montmartre en 91, au Bataclan en 95 et sur de nombreuses scènes en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Hongrie et au Québec. Le premier album sort en 84 et sera suivi de 8 autres disques, dont un livre « Plus fort, les guitares » et une compilation de morceaux des débuts également enregistrés en public. « Les Introuvables », c'est le titre de l'album. Malgré de nombreux remaniements, le groupe est toujours en activité, comme les volcans. Hein, les volcans, qu'est-ce que ça fait des volcans? Ça s'arrête. Après ça, ça reboue encore plus fort, avec plus d'extravagance, avec beaucoup plus d'énergie. La pierre angulaire du groupe est, depuis le début, le chanteur Christian Picard, alias Carton. En mars 2011, sort l'album Yes Future, en autoproduction et distribué par Pia France. Un clip avec Didier Super est réalisé par Bia Créa. Didier Super, qui est un de mes grands amis. Mais tu l'as jamais vu? Non, mais je l'ai déjà entendu. En juillet 2011, c'est mon chanteur préféré, avec Didier Super, avec... avec les Raoul Petit, avec les Wampas, avec plein de monde, les garçons bouchés, voilà. En 2011, Errance Rinaldienne rencontra avec grand bonheur deux singuliers personnages, Carton et Marcus, qui est le guitariste et l'arrangeur et celui qui écrit certains textes. Un voyage chargé pour cette nuit, c'est l'hiver, hivernal. Faut-il s'arrêter ici? Oui, parce que j'ai mis le doigt dehors. C'est hivernal. N'est-ce pas, monsieur Disney? Ok, alors un voyage chargé et place à la musique. Ok, ouais, ça marche. Ok, ouais, ça marche. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon, Robin des Bois du pays Aptois. Tous mes potes me disent: ah, ce que tu fais, c'est de la balle. Comment ça se fait que tu ramasses que dalle? Ils voulaient que je me mette la tête au carré pour ressembler à un vieux poisson pané. Mais pas de bol, je préfère la musique mongole, l'énergie solaire au baril de pétrole. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon. Moitié chanteur, moitié maçon. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon. Romain des Bois du pays Aptois. Tel l'arriviste de base qui de ses convictions fait table rase. Je ne vendrai pas mes idées comme des robots ménagers. Ouais, c'est ça, ouais. J'aime cultiver des crânes pour y planter de l'original. C'est pas banal, pour le vérifier en vérité, je vous le dis, on peut me consulter tous les samedis. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon. Moitié chanteur, moitié maçon. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon. Robin des Bois du pays Aptois. Morale dans les chaussettes et comme seule religion le tiroir caisse. Je pourrais être cynique et vous faire insulte en récoltant les deniers de mon culte. Car tel le sage qui enfin a tourné la page. Yeah. Je n'amasserai pas de butin en vous rendant mes frères plus crétins. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon. Moitié chanteur, moitié maçon. Chanteur culte du Luberon. Romain des Bois du pays Aptois. Yeah. Oh. Oh, mais putain, c'est trop bon. Waouh, c'est qui a fait ça? Ben, c'est moi. Ouais. Tu me connais? C'est moi. Oh, je sens bon. Attends, j'arrive. Yeah. Nous allons faire une bouteille grande comme ça de vin rouge de Givry. Que vous n'avez pas bu, c'était le vin d'Henri IV. Si, si, il est tout à la maison parce qu'on répète chez Marcus et on garde le vin pour là-bas. Toi, tu es le guitariste. Ouais. Si je me réfère bien aux vidéos que j'ai vues du spectacle, tu es le guitariste. C'est ça. OK. Et tu es aussi, oui. Oui, quoi? OK, aussi auteur, compositeur, tout ça. OK. Et même quand même fait la prise de son et tout. Ah, c'est l'homme orchestre. Ah oui, oui, c'est lui, je suis en face, moi je chante, il me dit, allez, on recommence, on fait, voilà. Ah, c'est pas... l'écriture vient pas... Ben, je vais poser mon truc. Ah ben, là, oui, non, oui. Non, l'écriture vient pas de Nicolas Sarkozy. Non, Dieu merci. Pardon. Dieu merci. Alors, je vais prendre votre tournant tout de suite. Ah, vous allez fermer, vous aussi? Ben, c'est le nouveau casino, là, vous êtes à côté, non, sonnez. Ça n'a rien à voir. On était là-bas. Oui, on a acheté... Si, vous avez ça, moi j'ai acheté vous, en tous les cas. Ouais. Vous, peut-être, des intrus. Non, mais ah, j'ai non, parti c'est... du groupe, tu connais pas. Voilà. Enfin bref, oui. J'ai pris en charge, il y a un menu pour vous. Ah non, vous, on vient juste voir. Un café. Voilà, oh, c'est ça, exactement. Ah, il est déjà payé, le menu? Ouais, ah oui, bah c'est bon, allez, vas-y, donne, ouais. Ça sera pour soi. Ah, non, il se gourde d'artiste. Mets ça dans un sac. Confondu avec John. Vous m'avez confondu, c'est Johnny Hallyday. John Lennon, peut-être. Ah, John Lennon, oui, imagine, hein, John. Ouais, j'imagine. Bon, les messieurs, là, ils sont incognito, pas de soucis, d'accord? Ils mangent pas, ils boivent. Voilà, nous, on est des alcooliques anonymes, mais... Non, mais c'est dingue, t'as vu? En fait, j'ai gardé les bracelets du concert hier. Ah, mais c'est... Hey, tu veux, c'est un passe-doigt pour pas... Ben non, parce qu'en fait, non, mais oui, parce que c'est à côté, il y a une soirée. Oui. Les gars, là, ils ont les mêmes bracelets jaunes. Ah ouais, d'accord. On a parlé, hein, on aurait pu mettre ça dans des sacs. Putain, on aurait pu bouffer. Ben oui, putain, mais moi, non, mais moi, dans ton avion, toi. Ah non, mais moi, c'est samedi, quand même. Mais non, mais moi, j'ai déjà mangé. C'est pour ça, je voulais pas bouffer. On aura à boire gratos. Non, mais bon, c'est merveilleux. Par contre, moi, ta vie, voulait pas me filer à bouffer. Non, mais c'est ça, c'est la gueule, hein, sans doute. Nous, là, on a pas la gueule. Non, c'est le bracelet. Ah, ok, c'est ça qui fait le. Il faut toujours garder son bracelet, que ça soit clair. Hein. À l'hôpital, c'est important aussi, voilà. De savoir à quel étage pour ramener le malade. C'est musical, bah ouais, c'est un beau concert, ça. Ouais. En Bretagne, c'était bien mes moyens. Comment ça, bien mes moyens? Oh, ben, il y avait pas. La tête d'affiche, c'était une artiste de Bretagne, Noël Leroy. Ok, oui. Tu vois, c'était pas très rock, tout ça. Mais vous êtes plus punk. Mais là, ah avec bah le oui, nouvel nous, album, c'est presque des influences rap. Des influences rap. Oui, rap, oui, la première chanson. Ouais, un peu. On appelle ça, on pourrait dire du parler chanté. Du talk, on dit du talk over. Ouais, ou du slam. Toi, t'aimes pas slam, ça qu'on parle en anglais non, là-bas, non, à Québec, ça, à talk over. Oui, c'est écrit. Bon. Il y a les sous-titres dans le front, hein, ça, les gens. Non, mais je sais, au Québec, on est français. Le dernier album, il y a une chanson sur les Québécois. Comment ça il y a... Ah, bah, Mon amour. Oui. Ah, bah, oui, écrite avec Cathy, moi. Mais en même temps, c'est bizarre parce qu'il y a des gens. On l'a fait. Le frère de Juliette l'a fait écouter à une Québécoise, une Canadienne, je ne sais pas comment on peut dire ça. Non, on dit une Québécoise. Une Québécoise. Ouais. Et elle dit, ah ben non, c'est pas vraiment l'accent, c'est pas ça. Bon. C'est pas tout à fait. Alors donc, c'est vrai que c'est pas l'accent, mais par contre, c'est gentil. il y a des trucs qui, oui, il y a des consonances québécoises. Voilà. C'est un voilà. beau clin d'œil. C'est un beau clin d'œil au Québec. Voilà. Ah oui, c'est, très bien, merci. Oui, le clin d'œil est réussi. Bon, t'enregistres là pour notre radio non, du Sud. Non, non, c'est moi, non, c'est moi qui fais. Non, c'est moi qui m'occupe du truc. Et je vous enverrai le lien et la rencontre. Donc. Très bien. Mais carton. Toi, c'est Reynald. Je suis l'homme à rayures, je suis peint et jamais ne déteint. L'homme à rayures, on le peint là où il s'y attend le moins. Sur les murs, dans les jardins, fatalement on me peinture. De lignes claires et d'autres obscures, je me fonds dans la nature. Il n'y a pas de refrain, car ça ne sert à rien. Il n'y a pas de refrain, car ça ne sert à rien. À rien, à rien, à rien. Sur le visage et sur les mains, doucement je ne sens rien. Un trait dur et l'autre fin, on me fend et me hachure. À la nuit noire ou au matin, à toute heure je vous assure. En peau de zèbre et de chagrin, on me facture un écrin. Il n'y a pas de refrain, car ça ne sert à rien. Il n'y a pas de refrain, car ça ne sert à rien. À rien, à rien. Merci, de rien. Oh là là. On me ceint et me capture, on m'étreint me tenant bien. Mes barreaux sont en dorure, mais sans clé et la serrure. Je suis l'homme à rayures, l'homme à rayures. Je suis l'homme à rayures, l'homme à rayures. Je suis l'homme à rayures, l'homme à rayures. Je suis l'homme à rayures, l'homme à rayures. Rien du tout. Mais des affaires, vive la bière. Avec une bonne crème mousse au-dessus, tant qu'il n'aura d'un fût, chantons que les têtus. Mais des affaires, et sache ma frère. Zigzag quand il fait noir, là où y a de la bordure, y a du trottoir. Godewars, le paradis du houblon, c'est mon patelin, mes compagnons. Et quand je suis sorti pour leur faire honneur, 52 000, ça me fait pas peur. Y en a qui mettent du liquide de côté, mis au milieu, j'aime mieux le verser. Car je ne tiens pas comme tous ces milliardaires à être le plus riche du cimetière. Et je dis hop, hop, hop, vide dans nos chocs. Mettez un verre, vive la bière. Avec une bonne crème mousse au-dessus, tant qu'il n'aura d'un fût, chantons tu-tu-tu. Mon frère, que si te zigzag comme il froid noir, là où y a de la bordure, y a du trottoir. 1m90, 110 kilos, et encore je ne compte pas les os. Je ne suis pas ch'ti là qui déchaîne voiture pour regarder passer ce figure. D'ailleurs dans le Nord on est des gens comme ça, on n'est pas des pseux d'embarras. Même si te sais payer des caleçons de soie, les mettre là sur l'autre ne sais pas. Aussi je dis hop, hop, hop, fil dans nos chocs. ce qui fera noir. Là où il y a de la bordure, il y a du trottoir. Là, ici, maintenant. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Attribuons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une 21. Attendez, je vais chercher. Avez-vous de la monnaie, Mme Tremblay? Ben, j'ai des sous noirs. Une 21 en sous noir, monsieur. Ah, il n'y a pas de problème. De l'argent, ça n'a pas d'odeur et pas d'odeur me monte aux pieds. Oui. Et pas d'odeur vous monte aux pieds? Vous monte au nez, au nez, au nez, au nez. On est heureux. On est heureux. Qu'est-ce que j'avais dit, non, monsieur Grenier? On a dit que plus rien. L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Est-ce que c'est à. Qu'est-ce que j'avais dit, non, monsieur Grenier? Ben, c'est ça. L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. C'est clair. J'espère que. Merci de nous avoir. Qu'est-ce que j'avais dit, non, monsieur Grenier? Hey. Écoute bien. Relaxe tes oreilles. Monte ta mâchoire. Puis descends tes lunettes. J'ai dit. Pas d'honneur. Comment? Pas d'odeur. Oh, de la senteur. Ben oui, c'est ça. Pas d'odeur. Vous montez au nez. Non, c'est pas du tout ça, madame. Il m'angoisse. Qu'est-ce que j'avais dit, non, monsieur Grenier? C'est ça! L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur, vous montez au nez. Est-ce que c'est vraiment, on disait un petit coin de bord, laissons-le nous suggérer, il n'y a pas d'odeur. Hey, on passera pas la soirée là-dessus, là, hein? On peut-tu enchaîner sur l'improvisation de M. Bukowski, là, hein? Ça vous dérange pas, là, hein? Il y a quelqu'un que je connais qui parle comme ça. Oui, mais Laurent, qui c'est Laurent? Laurent? Laurent-Outan monte bien dans les arbres. Non, un orang, ben oui, ça monte dans les arbres, un orang-outan. C'est comme le singe, le lion, le soin. Oui, monsieur, le soin Gémala. Non, c'est un pays, là. Le soin Gémala, c'est un pays. Ben voyons, ça, c'est entre Tombouctou et Tontoutou. Tombouctou, Tontoutou, tu connais ça? La liaison entre les deux, il y a l'île. L'île du gros nounou. Puis le gros nounou, il chante. À quoi ça sert? À quoi ça sert avoir une vie? Avoir de l'eau? Quand on reste dans une île. Quel succès! Personne ne va là en vacances. Ben, il ne trouve pas la place. Il faut se laisser précipiter en parachute. Et madame, en parachute? Oui, c'est quelque chose, un drap qui te laisse tomber par inadvertance. Ben, bien sûr, par inadvertance, on nous laisse atterrir à quelque part de très précis. Bon, précis, là, c'est quand même du parachute. Là. Ça dépend du vent, ça dépend de l'avion, ça dépend du pilote. Le pilote, là, s'il est en train de boire sa petite bière, là, puis il roule. Mais il roule pas, il vole. Mais il roule avant, après ça, il vole. Penses-tu qu'il vole au début? Il doit embarquer dans l'avion. Il n'embarque pas dans l'avion quand il est dans le ciel, là. Hey, on l'a le public. C'est pas le public, c'est les animateurs. C'est vrai, on les a, les animateurs, nous autres. Excusez-nous, public. C'est la confusion la plus totale. Je suis essoufflé, moi. Je n'arrive plus à rejoindre les deux bouts de mes connaissances générales. Je vous le jure. Je suis un être intelligent. Ben oui. Ils promettent tout ça, hein. C'est comme la phrase classique, je suis innocent. Dans mon cas, c'est vrai. Ah, ça, on ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce que j'avais dit, non, M. Grenier? Hey, toi, là. Oh, la restriction, là. Je veux pas aller plus loin. Changez-moi tous les animateurs, les co-animateurs. Combien il y a M. Tremblay, là? Ticu Baudouin, mets-moi ça dehors, Ticu Baudouin. Même pas capable de suivre le papyrus. C'est pas compliqué, le papyrus, là. Mais il faut le dérouler. Ben, dérouler. Va dérouler ta vie, toi. Tu vas sentir. Ben... Ah, ben ça, c'est proche de la mort quand toi. Oui, exactement. Ça va dérouler en petit péché, royaume de Dieu. Oh, mon Seigneur. Bon, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de. On va oublier les voyages, on va oublier le parachute, le drap. les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons. Mais non, c'est pas ça, là! Ah, oh, c'est vrai. Laissons-nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Qu'est-ce que vous avez dit, donc, M. Grenier? J'ai dit Contes et Nouvelles. Ça, c'est un livre qu'on peut se procurer chez un libraire ou une bibliothèque, mais les bibliothèques, c'est très, très bien, là. On ne sait pas ce que les gens font en lisant un livre. Des fois, les pages sont... Puis Bukowski, hein? S'il y a une page collée, ça peut paraître un peu douteux. C'est une page arrachée. C'est peut-être la censure ou la personne était trop excitée puis voulait garder ça pour lui ou pour elle. Vous pouvez l'acheter aussi, là. C'est un beau gros volume, ça ne coûte pas très cher. Pas de volume, pas cher. Toi, tu as de l'argent. Non, tu as entièrement raison. Je travaille, c'est pour ça que j'ai de l'argent. Oh! Si tu travailles et que tu n'as pas d'argent, il y a un problème technique. D'une de ses nouvelles extraits de son recueil, quand tu travailles, tu dépenses trop puis tu travailles pas assez, ou tu dépenses trop puis tu témoignes, toi, là, mon illuminé de réverbère. Il y en a plus d'illuminé de réverbère. Oui, il y a des réverbères, oui. Oui, ah, ben oui, il y en a des réverbères. Mais vous saviez, oh, tu l'as dit tellement, toi. Oui, mais s'il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent depuis pour la première fois. Hey! C'est vrai, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Non, pas vous, les premières, les gens qui s'accrochent, là, qui pensaient syntoniser une autre station, il est tard, hein, il fait noir, puis là, ils tâtonnent. Ils pensaient que c'était leur conjoint ou leur conjointe, mais non, c'est la radio, parce qu'ils ne faisaient pas des bruits comme ça, le conjoint ou la conjointe. Hein? C'est ce que tu sais, comment c'est, des conjoints et des conjointes? Hein? C'est pas tout le temps, hein? Surtout quand on est longtemps avec, là. Ça n'a plus de son, hein? T'es obligé de oui, non, fais du bruit, il fonctionne pas, hein? Il fonctionne plus, ça, affaire-là. Mais là, vous dites, oui, non, il dit quelque chose, elle dit quelque chose d'intéressant. Il me semble que c'est pas sa voix. Puis, hein, c'est la radio. C'est quoi cette station-là? Là? Je suis pas à Radio Galilée. Ils font pas de prière, là. C'est un imbécile qui parle. C'est qui? C'est Renal Gagné. Bonjour. Alors, le Contes et Nouvelles, Bukowski, on va rentrer dans l'antre de l'oncle Buck, pas dans le ventre, là, parce qu'on ne sait pas nager. Le ventre. Non, c'est dans la vessie. Hein? C'est vrai, le ventre ne contient pas d'eau. Ben non, c'est de la bile. Oh, mon dieu. Oh, non, je ne dirais pas la mauvaise blague. Je l'ai rencontrée, puis elle ne m'a pas. Non. Je pense qu'on ne s'est pas quitté en bon terme. Qui? En parlant de bile. 2% des auditeurs comprennent, pour les gens qui me suivent depuis longtemps. Ben oui, il a fait interview avec elle. Ben oui, avec elle. Alors, pas le titre, mais on va y aller avec la première phrase. C'est « Je suis assis à la fenêtre et les éboueurs arrivent. » Oh! C'est intéressant, là. Parce que là, les éboueurs sont là à ma porte. Puis des sacs ordures sont derrière la porte. Je suis à côté et je les regarde. À la fois les éboueurs à l'extérieur et à la fois mes vidanges à l'intérieur. Et moi, j'en fais partie. De quoi? Des vidanges. Oh mon Dieu! Ah, ben, il fait chaud. On est au mois de juillet. Je suinte comme la Vierge Marie. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire la Cierge Pascal. Ah, oh, ça. Oui, ben, quand tu l'allumes, là. Quand tu allumes la bougie. Oui. Il y a comme une certaine. De l'essuie. Il y a de l'essuie. Alors, ça coule comme de l'essuie. Ah, mon. Je m'essuyais comme de l'essuie. Non, essuie-toi pas, c'est de l'essuie qui coule. OK, je m'essuie pas et je laisse l'essuie s'emparer de mon corps. Mais, monsieur. T'as de l'essuie qui s'empare de ton corps? Oui. Ben oui. Est-ce que j'ai le droit d'avoir de l'essuie qui... Ouais, t'as le droit de tout, mon petit champion. On te laisse le royaume de l'imaginaire à toi. Envole-toi. Prends tous les mots. Extériorise-les. Attrape-les comme... je le disais régulièrement il y a quelques années. Comme la liane et Tarzan le singe. Mais monsieur, on parlait de singe tout à l'heure. De gorille. Calgary. Tardez, abîle les séances. Abîle les désirances. Dis-moi pourquoi t'as le cœur gai. J'ai le cœur gai parce que ce soir, Ma belle Rosanna veut m'embrasser. Monsieur, oui. Pour la première fois. Elle veut m'embrasser. Oh, ma petite Rosanna, la lurette, zéma de Jolette, tu jupes carotée, tu jupes en baiser. Il n'y a pas juste le jupon. Oh non, c'est, comment ça, il n'y a pas juste le jupon qui est frisé? Le chanteur frise le ridicule. Ma belle Marie-Madeleine, avec ton jupon de laine, ta petite jupe carottée, puis ton jupon frisoté. Si tu veux me laisser t'embrasser, ma belle Madeleine, ton jupon de laine, ta petite jupe carottée, ton jupon frisé, j'irai avec toi au supermarché. Elle veut pas y aller avec toi. Elle est gênée. Elle est très gênée. Alors, j'irai pas avec toi au supermarché. Oh! Est-ce que ça va marcher? Ça pas risque, non, ça risque pas de marcher, mais vas-y. Dis-moi, toi qui as le cœur gai, guilulon, la lulette, guilulette, la lulon. Devant mon sac à ordures, je commençais à délirer des odeurs nauséabondes de mon steak de la veille, mes pétacles de la veille. Comment ça? C'est pas le suppositoire. Non, la sauce à spaghetti, ça sonne comme ça, hein? Ça, c'est presque la même chose. Ben là, qu'est-ce qui sonne? Ben, sauce à spaghetti puis suppositoire. Ben, c'est pas du tout la même consonance. Ben voyons, sauce, suppo, hein? Ah non, c'est pas aussi beau que ça. Ah non. C'est beau, il va la faire. Non. Hey, allez, vas-y au gazou voir c'est beau. Vas-y. Hey, c'est beau, c'est bien plus beau avec le gazou qu'avec ta voix. Ah, mon Dieu, je prends ça comment? Prends ça comme ça vient. Je prends ça comme je viens, je me retiens et je vous dis le titre avant que ça revienne. Carnet d'un suicidé en puissance. Allez, un peu d'énergie, là. Ah, c'est mieux, là. Ah oui. Donc, tout le monde... Attends, calme-toi, mon Raoul, là. Là, nous sommes le t'allais dire quoi? C'est le temps de danser, OK? J'allais mentionner une fausse date, mais c'est le temps de danser, OK? Alors, préparez-vous psychologiquement, dans l'intérieur de votre tête, OK? Mettez, espacez tous les mots, toutes les idées, tous les concepts et les triceps et laissez-vous une grande place pour évaser vos bras. Un peu comme la natation, là. Si vous étiez dans un bassin ou dans votre bain. Ben, mon bain, il est tout petit. Ben, il y a un bassin. Mon bassin est très petit. Une piscine. Ma piscine est... Une grande piscine. OK. Alors, puis, imaginez-vous. Puis, si vous avez des chaises, tossez les chaises. Tossez le beau-frère. Tossez la belle-sœur. Tossez le dentier, Madame Thibodeau. Puis, on y va! Allez, un peu d'énergie, oh, ouais. Là! Ah, on y va. C'est mieux, là. Ah, très bien. Oh, mon Dieu. Oh, yeah! On le sent bien. Oh, quelle belle chanson. En accord avec ma conscience, j'adhère à la désinvolture. Qu'importe si ma figure subit le temps et les jours. En refusant les apparences, je me la joue nature. La seule chose dont je me vante, ne pas faire dans l'imposture. Yes, c'est dur, yes, c'est dur. Que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Yes, c'est dur, yes, c'est dur. Avec certains, ce sera plus dur. Yes, c'est dur, yes, c'est dur. Que tu sois molle ou bien dur. Yes, c'est dur, yes, c'est dur. Vous êtes vraiment sûr? Oh yeah! Ah oui, petit. Ah, c'est mieux là! Ah. Avant qu'il tourne en pourriture, je savoure la confiture. Malgré les murs, les clôtures, j'ai le désir d'aventure. Me défaire des vieilles rancunes. Ah, mais je vois qu'il en reste une. Alors j'évite la bavure, je la fous direct au vide ordure. Yes, c'est dur! Que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Avec certains, ce sera plus dur. Que tu sois molle ou bien dur. Vous êtes vraiment sûr? Ce n'est pas nécessaire. Même pour une caricature. De se faire la guerre. Ni subir la torture. Mais par leur mérite ou leur posture. Éduqué ou hétéro, on n'en a jamais de trop. Comment vois-tu l'avenir? Des fois ça me fait plus trop rire, car... C'est vraiment le bordel. Que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Soit quelqu'un de bien ou une belle ordure. Avec certains ce sera plus dur. Que tu sois molle ou bien dur. Vous êtes vraiment sûr? Ah, toi ça te fait rigoler. Oh là là, vous êtes pas drôle. Pourquoi? Quoi, c'est Reynald. Toujours, depuis... Bon, voilà, je t'ai dit tout à l'heure, oh, le mec est là, je dis, on peut dire Reynald, je t'ai ah, reconnu. Mais pourquoi, non, mais pourquoi tu disais qu'on avait deux gueules qui étaient reconnaissables? Bah toi, t'as une gueule quand même, t'as les cheveux comme ça, t'as tes lunettes spéciales, t'es ah, mais ça, comme oui, ça, mais ça t'es, c'est... Ah, regarde, t'es en noir comme... Oui, mais ça, c'est t'as la station de radio. T'as quand même pas l'air d'un mec en costume cravate, ah non, dire. C'est vrai, puis toi, ben, tu as la publicité tu pour... Tu vois, t'as le même peigne que moi. Oui, oui. Voilà, tu vois, ah, oui. t'es fils de coiffeur aussi, toi, oui, non? Oui, exactement, bah, moi aussi. Mais au chômage. D'accord, ben regarde le travail, ils sont au chômage. Mais... Voilà, ben, je t'ai vu, je suis arrivé. Et... Ben oui, bon. Mais j'ai vu ton nez rouge de clown. Ben oui. De clown. Il faut être un clown dans le métier. Voilà. Et tu en es un aussi. Voilà, en gros, oui. Depuis 32 ans. Bon, j'ai déjà le nez. Depuis 32 ah, ben, ans, aussi. Très bien que je suis dans Raoul. Oui, ben oui. Voilà, je fais carrière. Oui. J'aurais pu être militaire. Non, mais je ne me suis pas trompé en disant 32 ans. 32. Okay. 79. Et voilà, c'est ça. Voilà. Et Raoul Petit, c'est toi le leader? Je suis chanteur, oui, disons que je suis là depuis très longtemps. Je suis leader sur scène, si tu mais veux, leader. Mais t'es ça depuis le début? Oui, je suis depuis okay, le début. OK, ben voilà, OK. Marcus, il est là depuis 20 ans. OK, mon Dieu, ça paraît pas. Oui, mais lui, si tu veux, le truc, c'est le leader parce qu'on ne peut pas le virer. Ah! Et on ne peut jamais virer un chanteur. Ah, c'est vrai. Oui, mais là... Voilà. Et en plus, c'est plus possible. Mais c'est le leader, mais c'est pas moi qui fais tout, les compositions, les textes, je fais certains textes, certaines compos. Est-ce que tu en as déjà... Mais pour les gens, je suis l'image, je suis le... C'est okay. Les gens qu'on vient me voir pour... Okay, tu lui, la il regarde, moi, ben moi oui, on me ben paye oui, des coups, c'est ben le chanteur. Oui, ah, c'est pour ça que j'ai fait chanteur, j'ai pas de loyer à payer, mes femmes, elles arrivent toutes seules. Tu vois, les enfants, je n'ai pas à les faire, les autres tu les font fais pour moi. Un peu partout, et donc c'est les femmes qui s'en occupent, c'est classique, hein, au Québec, ça rajoute. Pardon, oui. Non, mais c'est des rap, il n'y a pas de problème, c'est une émission pour ça. Oui, ben voilà. Et, mais depuis 32 ans, tu fais carrière dans la musique un peu punk, rock, punk. Oui, disons qu'au début, Raoul, c'était moins punk rock que maintenant, et moins, c'était... Au début, il y avait plusieurs, il y avait un côté un peu variété, un peu funky, un peu rock. Il y avait trois influences. Il y avait plusieurs compositeurs. Et puis du théâtre, du visuel. Oui, au, c'est ça. Au départ, c'est très... ça commençait avec ça. Mais parce... c'est très cirque sur scène. Voilà. Et, oui. Et ce qui est rigolo, c'est que tu te la coules douce. C'est-à-dire que tu arrives sur scène comme le prince et c'est les autres qui bougent et qui gravitent autour et toi, tu arrives sur scène avec tes trucs. Oui, j'arrive au début tranquille, oui, mais après, oui, je commence oui, à, oui, oui, effectivement. À prendre, être contaminé par oui, les autres. Oui, on dirait que l'énergie s'empare de toi. Oui, c'est eux qui me la... Voilà. Oui. Dès que j'arrive sur scène, au milieu, je me mets au milieu et oui, l'énergie s'empare de moi. L'énergie que me donnent les gens et l'énergie... J'ai de l'énergie devant et j'ai de l'énergie derrière. Les musiciens. Partout et les le trous. Public. Partout les trous. Oui, c'est ça, voilà, le public. Devant, et, derrière, il n'y a plus, on ne sait plus, je ne sais plus. Oui, oui, oui. Je ne sais plus si je suis un homme ou une femme, mais je sais moins plus. Mais au moins, ça te contamine. Ça voilà. Te rejoint. Et c'est magique. Voilà, on dit que la scène, c'est magique, mais là... Et puis, j'ai de super musicaux, tu vois. Oui, c'est merveilleux. Puis le nouvel album est incroyable. Voilà, tu et vois. Le futur te traumatise? Est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que si on se fie au titre, le futur est quelque chose qui t'interpelle, c'est toi qui as trouvé là. Est-ce que le futur, yes, futur, point, qu'est-ce que tu as à dire, pourquoi? Eh ben, on se pose des questions, alors, en gros. Il y a deux formules. Il y a deux formules. Soit on du futur, soit on... Oui, on disait... Il faut, pour, moi, le là, c'est Marcus qui parle, pour les autres. Oui, voilà. aux auditeurs sur le fond. De Marseille. De Marseille, oui, ben ça l'accent, il n'y a aucun problème, c'est repérable. Bon, c'est vrai. Ouais, non, en fait, ce qu'on se dit entre nous, c'est que ben, on a choisi Yes Future, mais avec un point d'interrogation. Hein, voilà. Alors voilà, parce qu'on a, on est d'un pessimisme optimiste. C'est-à-dire, on voit que ça va pas trop quand même, qu'on prend une direction, ça va dans le mur. Et en même temps, chacun a espoir de. Enfin, nous, on a l'espoir d'à notre niveau de faire un effort pour essayer que ça aille mieux. Quoi. Enfin, ou à notre niveau, hein, on délivre pas de messages ou de dogmes. Quoi. Moi, je pense que c'est par l'individu que les choses avancent. En disant la bonne phrase et que tout le monde doit obéir. Voilà. C'est, chacun doit faire son truc. Et... Poissons enfilant des canons et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt oui. Plus de cap griné, encore moins de cap blanné. Ce qu'on voit, c'est nos nez rouges. Et quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas. À marée haute, avec un autre. Lors le nez dégrisé, je quitte l'estaminet. Et je regarde en rêvant le rident. L'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gorge déployée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grand cri, rien Marie. Faites cala molliment, pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Allez tout le monde. Monsieur Grenier. Madame Ridley. Parle-moi, monsieur. Qu'est-ce que tu avais dit, donc, monsieur Grenier? J'ai dit, comme le mentionnait, je le mentionne maintenant, là, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Il a dit ça. Nous vous proposons maintenant l'actualité. Oh oui. Une nouvelle chronique. Un nouvel atelier d'improvisation. Nous vous proposons maintenant l'actualité jamais révisée, toujours mal dirigée. Non, c'est digéré. Est-ce qu'on peut reprendre? Ouais, mais pas trop souvent. Le public aime pas ça, l'amateurisme. Oh! Le public aime pas ça, assister à quelque chose qui n'est pas encore prêt et qui sent. Qui sent pas bon. Oh, mais les vidanges de M. Bukowski sont-ils sortis? Oui. On dit que Mme Tremblay s'en est occupée, puis Ticu Baudouin, parce que c'est lourd, hein, les sacs de Bukowski. Il y a de la bouteille, beaucoup de bouteilles vides, non recyclables, parce que quand la bouche y touche, c'est terminé. Ça fond à l'unisson. Donc, à qui? Ça fond dans les chussons. Ah, mon Dieu! Annie aime les sucettes, à l'année. Les sucettes à l'année, donne ta cipice en couanée. Lorsque le sucre torche, parfumé à l'année, coule dans la gorge d'année. OK. Et puis, nous vous proposons maintenant l'actualité jamais révisée, toujours mal digérée, avec votre lecteur et presque libre débiteur, Réal Gibier. Oui, monsieur, c'est ma première prestation. C'est vrai, êtes-vous énervé? Je suis très énervé. J'ai le menton qui sanglote. Oh, vous le faites pleurer? Je le fais. Oh oui, pleure. Pleure, mon menton. Alors, l'actualité, je tiens à vous dire, monsieur Grenier, que c'est pas très, très actuel. Qu'est-ce que j'avais dit, monsieur Grenier? Mais c'est monsieur Gibier. C'est moi qui fais, c'est moi le lecteur des nouvelles. M. Grenier, il est parti au Wet Closet. Il y en avait besoin. Il y a un haut le cœur de l'actualité. C'est pas de l'actualité tout à fait actuelle, mais il y a quelques semaines à peine que tout ça a été pris dans les journaux et c'est véridique. Ici, nous disons que les adolescents... non, c'est pas, c'est l'autre page. Ah non, attendez, monsieur, je ne suis qu'à ma première chronique. On dit du Viagra pour jeunes. Le défonctionnement érectile chez les jeunes hommes est souvent lié à la consommation de porno. Lâchez Internet! C'est épouvantable. 13% des hommes âgés de 18 à 25 ans ont des problèmes érectiles. 40% des hommes de 40 ans ont des problèmes érectiles. 50% de 50 ans et plus et 70% de 70 ans et plus. Mon Dieu, ça suit lâche, ça, là. Moi, quand j'en ai 23, c'est 23%. T'as 23 ans d'âge mental, j'en ai au moins 12. 12 ans d'âge mental, c'est 12%. Alors, imaginez-vous les jeunes aujourd'hui qui commencent à consommer du Viagra. Avec leur... comment t'appelles ça pour les relaxer, là? Quand ils sont trop agités, là. Moi, je sais pas. J'ai trois enfants, mais d'âge mûr. D'âge mûr. Comme la pomme. Ah, oh, mon Dieu. Ils sont trop mûrs pour... Bon. Et puis, vas-y, Montréal. Oui, je continue ici. Et puis ça, c'est beaucoup moins drôle, mais c'est pas pour rigoler de ce qui est arrivé, mais c'est le titre. Le présumé agresseur aurait été intimidé. Non, c'est pas celle-là. Les journaux me quittent. Les journaux me quittent. Non, ici, c'est 15 ans pour le violeur au dentier. Alors, je vous raconte un peu l'histoire. C'est malheureux, c'est un imbécile, un violeur, mais on l'a retrouvé, il s'est écrit à la fin, donc Rolo finalement a été pris, il a pris ses jambes à son cou, mais il a oublié au passage sa casquette. Sa casquette. Donc à l'intérieur de sa casquette, s'il y a des cheveux, là, c'est un moyen assez facile de le retrouver, là, avec le OGDEM. Comment? Hein, le OGDEM. Comment ça, OGDEM? L'ADM. Ah, mon Dieu, le KGB. Vous avez le KGB dans le cheveu, là. On peut trouver n'importe qui. Avec la salive, le KGB dans la salive. Bon. C'est pas l'ADN. Ben non, c'est pas l'ADN. Qu'est-ce que c'est l'ADN? Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Toi? C'est moi, le journaliste financier. Oui, financier. J'ai pas de maudite scène, moi. Qu'est-ce que c'est pour ça? Et puis, donc, ouais, alors donc, c'est en oubliant ses jambes à son cou. Aïe, donc. Aïe, il a tombé avec ça, là. Les jambes à son cou. Il est même pas capable de les mettre à ses pieds. Quoique, même mon chien, moi, j'ai de la misère à mettre à mes pieds. Hey, couche-là, toi, couche-là, il veut pas coucher. Couche-là! Là, je suis obligé de me coucher avec lui, là. Puis, couche. Fais le mort. Cache le mort. Il fait le mort aussi, comme moi. Mais je suis plus docile que mon chien, moi. Ah, mon Dieu. Là, attendez un petit peu. Donc, il a pris son cou, ses jambes. Il a oublié sa casquette. Ses chaussures. Imaginez-vous, il a oublié ses chaussures. Ben oui, en prenant ses jambes à son cou, il n'y a pas besoin de chaussures. Toi, t'es brillant, mon petit champion, t'es brillant. Et puis, un tournevis, il a mis un tournevis pour se dévisser le nombril, l'imbécile. Et puis, son dentier est tombé pendant l'altercation. Imagine-toi. Heureusement qu'il n'avait pas un œil en vide, ça serait tombé également. Mais heureusement, ils l'ont trouvé, ils l'ont arrêté 15 ans de prison pour cet imbécile. Bravo. Mais là, elle vit à gros, hein. C'est incroyable. Eh, c'est bon, ça. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur qui? Monsieur Réal Jubière, c'était moi, ma première... Est-ce que je suis bon, moi, le sort de l'école? Ah, mon Dieu. Mais j'ai eu de la difficulté à trouver la porte. On m'avait envoyé hier au soir, puis on m'a dit, pratique-toi. Je pouvais pas me pratiquer, la lumière était fermée. Toutes les universités ferment leurs lumières, ils n'ont pas une maudite scène, les étudiants veulent pas payer. Ah, ben là, ils ont... Mais non, ça paye pas cher, puis ça va avoir des hautes études. On ne veut pas payer d'impôts, mais monsieur, on vous demande pas votre opinion, monsieur. Mais je veux pas d'opinion, moi, là. Mais on ferme les lumières quand même à l'université laquelle? Ah, oh, l'université très malade, très, très malade. Elle est fiévreuse. Tu rentres là-dedans, il fait chaud. Parce qu'ils mettent comme à l'hôpital, hein. Premier étage, les fiévreux, ça montre toute la stratégie. Qui s'enflamme là au niveau du cervelet et ça monte comme ça au deuxième, troisième étage, je suis épouvantable. Oh, mon Dieu. Cette semaine, et ça, du crépitement du concept. Nous mangerons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons en bas d'un mot celui-ci pour en observer la moindre couture. C'est de l'humour, hein? C'est de l'humour, c'est du troisième, quatrième, vingtième degré. Ça monte haut, ça descend très, très bas dans le sous-sol, dans le noyau. Aïe, dans le noyau. Ça brûle. Ben oui, ça brûle le noyau. On se brûle souvent le noyau. Ah. Ouais, ça brûle tellement que la matière grise devient rouge. Alors, tout ce que vous entendrez, là, les prises d'opinion, c'est bien sûr fait par des fanfarons, des clowns. Le clown l'errant lui-même. Donc, prenez pas en considération tout ça. Là. On vous aime, puis vous êtes des étudiants. Talala, poil aux dents! Continuez, étudiez, soyez les élites de demain, la connaissance générale. Articulez vos mots et vos idéologies avec autant de verve que ce que vous pouvez en amener à travers toutes les connaissances et les circuits nerveux de votre littérature et de votre philosophie, et surtout psychologie. Alors, la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « orbite ». Oh, mon Dieu. Orbite ou non orbite. Ça, c'est un mot qui m'a été suggéré par toujours Coralie de la Fouquière. Coralie qui a une vision perverse de la langue française ou de la langue en général. Tu pervers la langue en général. Quand Monsieur Dutheil dit « C'est une langue barre avec des mots superbes. » Il avait ses accents, sa langue de chef. L'île d'Orléans. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent où est, à quel endroit se situe l'île d'Orléans? Qui? L'île d'Orléans. Moi, je le sais. C'est où? C'est sur une île. Oh, à Orléans. Oh, sur une île à Orléans, oui. Pas de besoin de bateau. Hein. Moi, je te dis qu'il y a M. Tremblay qui est juste en bas de... Comment t'appelles ça? Du cuticule. De la rondelle avant d'arriver sur l'autre île, là, l'île à Orléans. Lui, avec... il a un élastique géant. Il vous place au milieu de l'élastique un peu comme un catapulteur. Oh, t'allais dire un mot. Ben, oui, un anglicisme. Je m'en excuse, mais un catapulteur. Il vous place sur le catapulteur, il vous catapulte. Parce qu'un catapulteur, ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal. Parce que si on vous étire trop, il vous trouve en avant, beaucoup trop en avant du quoi? Du catapulteur. Mais ça vous fouette la fesse. Puis là, vous montez en haut. Vous arrivez à Orléans, là, la fesse rouge. Ah, il vous cuise la fesse, il vous la mange. Ah, non, mais la fesse humaine, c'est très bon. Surtout quand c'est bien cuit. Là. Oh. Je vous conseille pas de vous manger vous-même la fesse. Hein. C'est difficile. J'ai essayé, moi, là, je tourne en rond. C'est comme un chien qui tourne après sa queue, là, autour de sa queue. Oh. On n'arrive pas à mordre la fesse. Quoique la grande, comment tu l'appelles? Moi, j'ai dit au Cirque du Soleil. Au Cirque du Soleil, la manipulatrice. Elle manipule son corps. Ouais, Combien saucisses? C'est bon, c'est excellent. Alors, orbite! Orléans est l'orbite du Québec. Oh mon Dieu! De la ville de Québec. Ça, c'est l'île d'Orléans? L'île d'Orléans. C'est pas Orléans? Ben non, c'est pas Orléans. C'est tout près de la ville de Québec. Alors, vous pouvez vous y promener en vélo, partir de Québec en vélo, vous rendre à l'île d'Orléans, manger des bonnes fraises de l'île au mois de janvier. Ah, mois de janvier, parce qu'il n'y a pas d'hiver à l'île d'Orléans. C'est toujours l'été. Le soleil plombe, 40 degrés à l'ombre au mois de janvier à l'île d'Orléans. Ah! C'est bon, mais c'est bon des bonnes fraises. Tandis qu'à Québec, là, à peu près 10-15 minutes en voiture, là, vous traversez le pont, vous arrivez à Québec, moins 40. Oh! On appelle ça quoi? La calotte nous gèle. Oh. Si vous voulez être entre le froid et le chaud, là, en plein milieu du pont, il fait 15 degrés. Alors, l'orbite, ben c'est ça. Orbital. On est une société d'orbite. On sait plus où on est à peu près partout. Là. C'est comme des vaisseaux, puis ça se croise. Quelquefois, ça se frappe, puis ça s'éloigne, puis ça se refrappe. Puis ça se... Des autopamponneuses. Ah, moi, ça se pamponne. Ah. Un petit peu de maquillage à droite, à gauche, puis hein? On n'a jamais vu ça de même, nous autres, des voitures pamponneuses. Puis ça fait pas mal, des voitures pamponneuses. Quand ça veut se frapper trop fort, poum, ça se défait. Poum. Ça, c'est grâce au caoutchouc. Quand vous mettez du caoutchouc, plus il y a de caoutchouc, moi, ça fait mal. Puis plus il y a du caoutchouc aussi, quand ça s'affronte, les deux, ça se défait aussi facilement. C'est rigolo. C'est comme deux comment vous appelez ça, vous? Moi, je l'ai de la terre glaise. La terre glaise, ça fait pas mal. Ça pioum, pioum, ça se défait pas, la terre glaise, quand ça se raconte. Mais non, chimiquement parlant, on peut pas. Est-ce qu'on peut placer, par contre, le mot orbite dans le château symbolique de la francophonie? Eh, monsieur... Selon moi, là, personnellement, là. Orbite. Il y a beaucoup trop de bits dans orbite, alors non. Non, pour tout le monde, et ce serait sage d'enlever toutes les bits dans l'orbite. Ah, oh, mais on peut pas faire ça. On peut le faire à partir de maintenant. OK, alors où sont les orbites? Il y en a à droite, maintenant. Il y en a trois. Oh, on va commencer par celle-là. Oh, comment on fait? Oh, tirer. Oh, on tire. Bop, bop, ray, bop, bop, bop. Bop, bop, ray, bop, bop, bop. Deux sur une banquette, et toi dans le hall de l'hôtel. Deux sur une banquette. Voilà, mais non, le futur, ça a toujours été comme ça, je pense. Voilà. Ça, mais... c'est le côté punk. Ouais, et en même temps, c'est plus le... Je sais pas. Maintenant, c'est plus à l'époque du punk, je pense que c'était... On se révoltait un peu... Enfin, c'était le nihilisme un peu... Alors que maintenant, on est, avec Internet, on comprend le système comme il est. Ouais. Et on sait... Il y a eu un retour sur nous aussi. Et on sait que c'est à nous de prendre en charge ce changement, quoi. Enfin, c'est plus pareil. C'est comme avant, dans les années 60, où les jeunes, ils n'avaient même pas le droit à la parole. Ils se sont révoltés. Il y a eu le rock qui a débuté. Ça a été voilà, la mise en marche. Après, ça a été le mouvement punk, là, contre le fric. Le, voilà. Et puis ben maintenant, on est tous au même niveau. Quoi. Ouais. Voilà. Mais Carton, depuis 32 ans que tu travailles sur ce groupe-là, ça reste quand même un groupe... assez singulier, assez assez peu connu. Ah oui, si tu veux. Oui, toujours un peu. Il y a eu des montées, quoi. Oui. Tu vois, des fois, comme il y avait les passages Olympia, oui. Casino de Paris, donc on y avait. Avec Higelin, hein, c'est ça au début, Au début, Pierre Vassiliou, un peu Higelin. Mais on a fait l'Olympia tout seul aussi. Okay. Tu vois, deux trois fois, on a fait le Casino de Paris une semaine tout seul. Il y a eu des montées. Avant que Marcus arrive, il y avait des... Avant que j'arrive, c'était bien. Ah ben bien. Oui, et voilà, bien, Yvelin. Et après, au moment, mais c'est au moment que ça montait bien, Casino de Paris et tout, le mec de l'Olympia nous dit, je vous prends une semaine, il faut sortir un titre. Et là, il y a eu des tensions, ça commence à monter, succès, il y a eu des tensions dans le groupe. Manager a dit, j'arrête, un batteur est parti. Et bah, il a fallu reformer le groupe. Et 6 mois après, 1 an, on a reformé un groupe. Et là, c'est reparti avec Marcus, avec Alain qui est déjà là, avec Fred Cimbolotti... Et ça reste disais, underground quand même. Ça reste underground toujours. Ouais, c'est par le bouche à oreille. Voilà, mais à Québec, Raoul Petit est quand même connu pour faire des salles à Montréal. Êtes-vous passé à Québec, la ville de Québec? Non. Non, on est passé qu'à Montréal, dans un ancien, je ne sais plus le nom de l'endroit. C'est un ancien cabaret mafia, bam bam bam. Ah oui, Montréal. oui. Resto français, plus ou moins maintenant. Oui. Je ne sais plus le nom. Le Lion d'or, non? Ah, Lion d'or, oui. Voilà, le Lion d'or. Oui. Voilà. Pas la foufoune électrique. Non, foufoune électrique, c'est aussi extraordinaire. Voilà, c'est et ça, j'aurais bien voulu. Oui. C'est des artistes singuliers, explosifs, où on sent l'art qui s'exprime à travers la peinture, à travers la musique, à travers tout ça. C'est fou. C'est fou, les foufounes. Mais, Oui, tu voulais dire, vas-y. Non, mais c'est ça. Donc, c'est un groupe singulier qui fait sa trace depuis 32 ans et qui, quand même, s'instaure, prend... Même après 32 ans, il vous reste des choses à dire. Vous dites encore des trucs importants. Et... Oui, puisque... Oui, vas-y. Oui, tu veux dire parce que c'est pas tout non, en haut comme c'est ça, exactement. Pratique Truelle, Patrick Bruel. Oui, c'est ça. Ou Johnny. Infirmière et tout ça. Et voilà. Tous nos préférés, oui. Mais oui, dans le milieu musicien et dans bouche à oreille. Oui, okay. Tu vois, beaucoup. Un peu comme Hubert Félix Thiéphaine aussi, Oui. Bien que lui, ça y est, là, il commence à faire des télés. Des... C'est vrai. Mais vous êtes quand même authentique sur votre. Sur votre son et sur l'image que vous voulez donner sur scène. Voilà, et sur scène, c'est image et son, si oui, tu veux. C'est ça. Tu vois, c'est pas le chanteur avec les filles à côté, ouah, en petite culotte. Là, c'est tout le monde. Les filles viennent devant, moi, je m'écarte, c'est les chanteuses lead, les cuivres, ils font leur sketch, pendant que moi, je vais changer de string. Tu vois, c'est... Quelque part, c'est un groupe militant, si tu veux. À l'intérieur de ce groupe, on est tous payés pareil. Autant la star, ah oui, le chanteur. Ah oui, il a même le salaire que voilà, tout le monde. Que les techniciens. Oh. Ah, tu pensais parce que je suis un peu plus grand que lui. Oui. Non, mais grand au niveau après, de la notoriété. Au niveau des droits d'auteur, ça a changé. Avant, on partageait tout. Mais là, sur le dernier album, lui vient d'avoir un enfant, plus question qu'on partage tout. Tu vois, moi, j'avais un enfant, je partageais. Mais maintenant qu'ils ont tous des mômes dans le groupe maintenant. Et la claque, le trombone qui n'avait plus rien, top, d'un coup, il a dit, au fait, mon nom est Carton, j'ai travaillé dessus. Hop. The body in the day, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, sick, riding the day, I miss my town, boy. CKRL le 89.1 à Québec. Moi j'aime le mambo, le tango, la rumba, mais surtout j'aime le mambo et le mambo. Pourquoi rester si froid? Je voudrais que tu sois tout aussi chaud que moi. Quand je suis contre toi, tout aussi chaud que moi. Tout aussi chaud que moi. Quand j'entre dans la danse, dans ma tête je pense. Je pense en cadence à ton mambo baby, à ton mambo. Dans ma tête je pense. Je pense en cadence à ton mambo baby, à ton mambo. ces mots chatouillent les rêves. Et pendant que j'ondule tel un serpentin, nuit blanche trépasse vers son lendemain. Tôt voici le matin. Si le mambo vient, c'est que tu es le mien. Si le mambo vient. Qu'ils ont des enfants, les salauds. La vie d'artiste. Moi, ils ont il a 30 ans, mon fils. Eux, il a 2 ans. Ah oui, c'est ils ça. Sont en mais retard, ils sont... oui, moi, je suis en avance. Oui, peut-être. Oui, effectivement. Non, mais on revient au salaire. Sur scène, c'est pareil. Ah oui, ok. Non, mais sérieux, on est pardon, tous payés. Je suis pas craché dans la gueule. Voilà, et moi, c'est quand même un acte militant. Il y a oui. Assez peu de groupes où c'est comme ça. En tournée où les techniciens, les icônes sont tous payés pareil, dorment pareil. Voilà, au même endroit, etc. Quoi. Alors c'est communautaire, c'est un groupe presque communautaire. Mais ouais. Pas dans ce style, c'est-à-dire que... En répétition, oui, on peut oui, dormir voilà, sur place, voilà. On reste 5 jours chez toi, on mange ensemble. Dans le travail, voilà, c'est important qu'il y ait une... qu'on soit réunis dans l'écriture. Ou... Voilà. Qu'est-ce cette osmose-là du groupe là, parce que vous sentez vient, voilà. Tout vient du groupe. Okay. Tout vient de l'identité du groupe. Alors donc c'est pas une, c'est un individu qui amène les idées, mais les autres vont. Il passe à la moulinette. Ok, ok. Il passe, c'est pas la censure, mais il y a. Il faut qu'il y ait l'esprit du groupe. Voilà, exactement. Et quand c'est. Ouais, quand c'est peut-être pas trop personnel, c'est pas négatif ce que je veux dire là, mais quand l'écriture devient trop personnelle, il faut que ça passe à la moulinette du groupe et après il en sort ça. Et l'écriture, et musicalement, c'est ça quoi. C'est ça qui fait l'identité Raoul et qu'en même temps on a toujours envie de jouer. Nous on se dit, artistiquement, il faut pas trop avoir de succès. Enfin, succès, voilà. Et, parce que c'est là que tu perds ta. Comment on pourrait dire ça là, comment on dit ça ton intégrité. Okay, okay. Quoi qu'on puisse dire, le fric, je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça, ça engendre la oui. Corruption. Oh, oui, effectivement. Mental, c'est vrai. Artistique. C'est vrai. Voilà. Et nous, on n'a jamais eu de fric et du coup, ça continue. Oui, mais même... Moi, j'ai fait maçon, la chanson, mon nom est carton, ouais, parce ouais, que ouais. J'ai fait ça souvent pour rester dans à mon... Un jour de samedi, mais on a toujours vécu à côté. Toi, tu as fait l'électricien où tu joues un peu, bah, tu te démarres comme tu peux, toi. Ouais. Les autres, les trombones. Non, mais après, on vit bien, ça va. Oui, ça va. Ah, oh, bon. Oui, c'est ça. Alors, ça va. Le groupe est quand même. Ah, bah, on a intermittent ça va. Attends, on a une piscine. À toi, oui, une piscine, oui, mais la piscine, elle est grande comme la table, mais on a une piscine. Oui, mais au moins, il y a une piscine. Non, mais, voilà. Non, mais tu vois, en plus, non, mais ça se divise dans cette conversation. J'ai une piscine quelque chose. La grandeur n'est pas importante. Le truc, c'est la piscine. C'est la piscine que tu as. On habite à la campagne, voilà. C'est cool, c'est bien, on vit bien, tu vois, voilà. Oui, oui. Et peut-être c'est ce qui nous permet aussi de prendre du temps et de vraiment et de mettre tout dans le taf, quoi. Ah oui. Café. Une bière, une bière. Ah, je vais prendre peut-être pas un café, mais quelque chose de rafraîchissant. Pression ou truc, non, non, non, non, pas d'alcool. Oui. Allez, on va. Bon, j'ai le temps, qu'on continue. Oh, oui, bon, je me suis affolé, je voulais pas vous couper. Vas-y. Ah, non, mais pas de voilà, problème. Non, mais je veux dire, on vit bien, quoi. On vit vachement, moi, je trouve. Café? Non, merde, non, non. Non, non, non. Dis-moi, dis-moi ce que tu veux. Non, je vais prendre. Je vais traduire, vas-y. Un jus. Quelle sorte de jus? Ok, parfait. Okay. Non, elle arrive. Bon. Elle arrive, ok. J'ai voulu aller plus vite que le roi. Non, c'est ça, c'est les cafés de là-bas qui m'ont speedé. Ah oui, ok. C'est le stress. Le stress de l'interview. Alors lui, double café et comment s'appelle ta boisson préférée là? Hein? C'est quoi? Du pissenlit. Non, non, sérieux. Du Red Bull. Du Red Bull. Ah oui? Ah, ça, c'est les concerts quand on joue à minuit, mais, ouais. Mais Red Bull, nous, au Québec, il y a un produit qui est interdit en France. Ah, la taurine. Oui, de la taurine. Ah, ouais, nous, il y a de la taurine. Ah, ça y est, nous, c'est autorisé. Ah oui, vous depuis, avez de la taurine? Depuis Sarkozy, ouais, ouais. Ah oui, ben oui, ben oui. Parce qu'il aime bien, il aime bien la corrida, ouais, alors ben, il nous a mis de la taurine. Ben oui. Mais tu en prendras une à Québec, tu vas voir que l'effet n'est pas la même. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ben ça va dans les couilles des fois. T'as pas senti? Non, pas dans les couilles. Non, non, c'est les bras. Non, pas le nez non plus, c'est dans les bras. Tu vas voir les bras et les jambes. En spectacle, là, prends une bonne bouteille de Red Bull. Puis... Ah bon, moi je prends juste le petit vélo. Oh oui, ben, nous autres on est rendu avec trois. Ah bon, comme ça, vous là-bas? Ah oui, mais vous êtes des grands costauds là-bas. Des bûcherons. Hein. L'Amérique, des bûcherons, ah, voilà, ben, nous on est des maçons. Oui, exactement. C'est pas pareil. Non, mais ton premier métier, c'est ça, maçon. Maçon, oui, oui. Et tu as abandonné ça il y a quelques années pour. Ah non, je l'ai fait parce que je suis allé habiter dans le sud. J'étais habité Paris, moi. Je suis né en Normandie. Je suis allé habiter dans le sud. Et dans le sud, j'ai d'abord cueilli les... J'ai dit, je vais à la campagne, faire de la musique, du théâtre, quoi. Je revenais d'Afrique, j'étais voyageur, ouais, le trotteur, Afghanistan, avant la fin, nous avons encore quelques minutes pour une dernière improvisation. Oui. C'est pas vrai. Ben, je vous le dis, c'est pas vrai. Ben, est-ce que je vous mens? Oui. Oui, vous nous mentez, M. Thibodeau, depuis la semaine dernière. Ben, voyons. On vous a cru quand vous nous avez dit que c'était la meilleure émission Errance canadienne cette semaine. Et puis. Et puis quoi? Et puis. Je me suis monté presque nu. Monté? Oui, je me monte souvent. Et sur un torchon trop étendu, en rêve ou en réalité, la liberté, le moment s'invite à nous pour un élan rénalien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir. C'est quoi ça? C'est un séchoir. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Arrache-moi pas l'itif. Mais moi, je ne suis qu'une improvisation, ni plus ni moins quelques mots d'évasion. Appelez-moi, la naissance vibre sous la fibre de la vie. Oh, c'est beau ça. Et je répète, les carottes sont cuites. Non, mais répétez votre phrase. Les carottes sont cuites. Non, pas cette phrase-là, la phrase de l'atelier d'improvisation, phrase, l'amorce est ici. Oh, oui, rien compris. Le public non plus n'a rien compris. Si vous voulez, répétez, s'il vous plaît. Le moment s'évite à nous pour un élan rénadien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir. Pouf. Ça, c'est un séchoir. Pouf. Alors, êtes-vous certain? On dirait que c'est un arrêt des ET, comme... oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est une interruption du cervelet majeur qui tombe vers le pouce mineur. Oh mon Dieu! Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons s'asseoir. OK, arrête. Vers les couloirs de l'improvisation. Avec ce fil Ariane, la naissance vibre sous la fibre de la vie. Et la vie... Tout petite. La petite fille. C'est petit, ça. C'est très petit, il y a des petits là-dedans. Oui. La petite fille de l'existence qui, elle, mène le bal à travers l'arsenal existentiel. Et sous le ciel de Paris. Non, le cahier. De Paris. Le ciel de Paris. Non, le ciel d'ici. Le Québec. Il nous reste quelques pluies à recevoir, quelques tempêtes à éviter. Et un pays. C'est beau, on dirait un premier ministre. Et un pays, merci madame. Et un pays à soutenir dans toute la tumulte, dans toute son extravagance à devenir adulte, comme le bambino qui saute dans la flaque d'eau et qui sait très bien qu'il ne sera pas réglo avec maman. Parce que maman... ne veut pas qu'elle saute dans l'eau, qu'il saute. Non, s'il saute... il se mouille. Et quand il se mouille... il se met dans l'eau chaude. Très chaude, l'eau très, très chaude. Je vous conseille de faire bouillir. Par la suite, vous passez vos pâtes alimentaires à l'intérieur du récipient. C'est pas une poêle, c'est une chaudronne. La chaudronne avec l'eau qui bout. Et vous laissez tomber comme un palmier le spaghetti. Vous verrez si votre chaudronne est assez grande. Là, comment ça prend pas un petit chaudron, une grosse chaudronne. Si votre gros chaudronne est bien gros, c'est bien chaudronne, parce que si elle n'est pas chaudronne, elle ne deviendra pas aussi importante et amènera pas cette visualisation des plus réjouissantes pour les petits-enfants. Vous les éloignez du poêle, parce que... est-ce que c'est un poêle? Ben moi, oui, normalement, c'est... ou la cuisinière, vous l'éloignez de la cuisinière, et vous lui laissez observer le tout. Le spaghetti va tomber dans l'eau tout seul, sans prendre de fourchette. C'est physique et c'est chimique. On ne mangera pas ça. Si chimique de même puis physique de même, on va avoir les cheveux de toutes les couleurs. Non, non, non. Si vous avez les cheveux de toutes les couleurs après avoir mangé ce spaghetti, non, si... attendez, je vais recommencer ma phrase. Est-ce que j'ai le droit de recommencer? On a le droit à tout. Si vous mangez ce spaghetti et que vos cheveux sont de toutes les couleurs, ce n'est pas parce que vous avez mangé le spaghetti, c'est parce qu'à l'origine, vos cheveux étaient de toutes les couleurs. Donc, ce n'est pas un attribut que le spaghetti va vous rendre les cheveux de toutes les couleurs, mais c'est plutôt qu'au départ, ils étaient. Et c'est beau, ça. Et c'est comme ça que la naissance vibre sous la fibre de la vie. C'est Errance Rénadienne la semaine prochaine. Raoul Petit, de l'improvisation, de l'explosion sonore et intellectuelle. Hey, donne pas un faux prétexte au public de t'écouter, parce que si tu crois que ça a été ça, j'espère que oui. Hey, arrête-moi ça. C'était Réal Grenier. Jean-Marc Lemus. Jean-Marc Traiteux. Et l'autre, là, vous voyez. Merci. Vous pouvez, hey, attendez, vous pouvez nous écrire à Rénal Gagné. C'est-tu Rénal Trottier? Non, c'est Jean-Claude Lemieux. Ça va bien. Ah, mon Dieu. La petite médication, là, parce que j'ai une grippe. Une grippe va vite. Parce qu'elle va tellement vite là, que je peux même pas l'attraper. Donc, j'ai rien. Oh, bravo. C'était une grippe va vite. Elle a passé le même. C'était Rénal Gagné. Vous pouvez m'écrire à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial@gmail.com. Vous pouvez devenir ami Facebook d'Errance Rénalienne. Vous pouvez devenir mon ami Facebook. Vous pouvez visiter mon site, mon carnet smyrdintique, le derrière de l'errance. Si vous voulez voir le derrière, là, ah, il est beau, il est beau. C'est un très beau site. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, sur Google, écrivez Rénal Gagné ou Errance Rénaldienne, tout va vous défiler sous les yeux. Admirez, soyez chambranlés. Amusez-vous! Bye bye. Prochaine. blanc, pourquoi? Okay. Blanc café. Moi, je suis un panaché très blanc. Ah, pardon. Quel jus vous avez? Quel jus vous avez? Je prends le vin. Ok, merci. Ouais, ça ne servira à rien. Ah, oui, en tout cas, bref. Oui, c'est ça. Pourquoi aller là-bas? Ah, bah, j'étais avec un copain de lycée. J'étais au lycée pendant les vacances. Je travaillais un mois dans un resto. Et puis après, on s'est dit, on va en Grèce. Alors, et okay. Arrivé en Grèce, ah, on revient. On a dit pourquoi on n'irait pas en Inde. Ah oui. Un panaché très blanc. Un jus de fraise, s'il vous plaît. Et un café très noir. Un canaché. Un double. Il est trop tard. Fais gaffe ton cœur, papa. Vous pouvez multiplier par deux. Et voilà. Mais j'ai le cœur qui bat, je peux monter mon ventre 15 fois dans le jour, ils m'ont dit. J'ai le cœur qui bat très lent. Il faut que je boive plein de trucs pour avoir un rythme normal. Un drôle ça, de médecin. Non, mais c'est un drôle de médecin, moi je changerais. C'est pas le bon médecin que vous avez. Oh, oui, je pense que c'est pas le bon médecin que vous avez. Mais non, mais Carton, tu t'es rendu là parce que au lycée, il y a un camarade à toi qui s'en allait là-bas. Non, ben non, on a dit on part en voyage. Okay. L'année d'avant, mon copain était d'origine juive. Il dit on va en Israël. Il m'a dit viens, on va aller en Likibouts. Moi je faisais de la guitare avec lui, je jouais, lui m'apprenait un peu. Moi je chantais avec lui sur la route dans les auberges de jeunesse. On partait en stop. Là on avait pris l'avion peut-être jusqu'à Athènes. Et d'Athènes, oui, la première fois, on est allé en Israël. L'année d'après, on dit on va ailleurs. Mais est-ce que tu chantais? Qu'est-ce que tu faisais? Ah, je chantais. Okay, okay. Dans les kibbutz, par exemple, okay, en Israël. Oui, oui. Mais en allant en Iran, Afghanistan, là, on ne chantait plus. Là, okay. C'était, ça intéressait personne. Okay. On chantait sur la route, dans les bagnoles. Par contre, quand je suis allé en Afrique, oui, où je suis allé en Afrique du Sud, il y avait à Cape Town et à Johannesburg, il y avait un resto, le Montparnasse ou le Montmartre. Et moi, je faisais un jour l'autre, un jour l'un. Un jour l'autre, oui, un jour l'un, ah, un jour ouais, l'autre. Ouais, ouais. Okay, ouais. Et il mettait Christian Picard direct from Paris. Oh. Alors j'arrivais depuis un an, en chameau, en deux chevaux, en pirogue, en stop, en quoi, en serpent, en lézard. Ah, serpent, oui, chevaux, chevaux, serpent, comme disait Jim Morrison. Tu vois, voilà. Mais c'est une vie totalement débridée, à l'origine. Oui, voilà. À ton enfance, c'est... Ah, ben, j'avais envie de voyager. Il y avait aussi beaucoup de voyageurs, des mecs qui partaient en Inde à ce moment-là. Okay. Tu sais, il y avait tout ça. Oui. Voilà, c'était envie de voyager, quoi. J'avais fait du théâtre, de la musique, je sortais de l'armée, j'en avais marre de la France. Il faut que je voyage, voilà, c'est tout. J'avais un boulot, j'ai largué. Ou ces deux mecs de mon immeuble qui m'ont dit, on a deux chevaux, on est trois. Il faudrait un quatrième, on part en Afrique. Et ben voilà, j'ai dit, ben, je serai le quatrième. Puis je les ai laissés en deux chevaux sur la route. Je suis parti en chameau 3 semaines avec les Touaregs. Après, j'ai continué en croyant Touareg à moitié pieds nus, en stop, dans le désert. Mais toi, et j'étais pris par des gens d'Apte de mon pays, oh, oui, que okay. J'ai retrouvé après. Mais t'es un aventurier. Voilà, alors, c'est ça. Comme la musique, c'est l'aventure. Avec ah, Raoul, oui, oui. On ne sait jamais où on va. Tu sors un album, tu ne sais pas s'il va rester moins chez toi. Moins dangereux quand même. Moins dangereux. Parce qu'il a failli se faire lapider dans un pays d'Afrique, à coup de pierre, en Afghanistan égorgé. Oui, il y a des trucs comme ça, ouais. Ouais, mais et, bon. Alors, tu es un survivant de plusieurs crises. Oui, plusieurs crises, et oui. Mais c'est merveilleux. Alors, j'ai presque... Même de l'ère Sarkozy. Oui, mais c'est pas facile, ça, non plus. Ben non, mais on y arrive, hein. Oui, mais c'est difficile. Mais avec ce qui se passe dans les médias aujourd'hui, en politique, il ne faut pas... pas abandonner. C'est à travers votre musique que je crois que les gens gardent l'espoir. Oui, voilà. Vous êtes un homme d'espoir et surtout vous êtes... Voilà, ça leur donne la pêche, de l'espoir. Quand ils viennent, ils se disent, bon, bah ça va, il y a quand même autre chose dans la vie, quoi. Il y a quand même de l'énergie, on peut se marrer, il y a de la bonne musique, les gens sortent, on a l'impression d'être... c'est bizarre, Docteur Raoul. Et... Oui, ils nous disent merci. Oui. Non, c'est ça qui est trop bizarre. Ah oui, merci. Ouais, ah oui, c'est ça qui est étonnant. Non, mais c'est bien. Time. Take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Suivant. Maître, il n'y a plus personne. Je crois que c'est fini. Eh bien, si c'est terminé, partons. Merci. Chers amis, Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.